Alléluia, hey! Est-ce que tu peux lever la bouche à la gloire de l'Éternel notre Dieu? La Bible nous enseigne que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. C'est pourquoi je t'invite en ce jour, mon frère, à te lever pour qu'ensemble nous puissions le louer. Masia et Abolinga.